Moi j'ai fait une boîte dans le web qu'on avait vendue au début des années 2000. C'est pas comme moins de 1,2 million. Moi je me suis planté plusieurs fois avant que ça marche. Yo les gars, ici Bastien, j'espère que vous allez bien. Et dans cette vidéo, on se retrouve à DFC, au quartier des affaires de Dubaï. C'est un endroit qui est très connu. C'est là où il y a beaucoup de businessmen qui travaillent la semaine. Et il y a pas mal de restaurants qui coûtent assez cher. Donc dans cette vidéo, on va trouver des gens qui ont l'air successful. On va leur demander qu'est-ce qu'ils font dans la vie, combien d'argent ils font dans l'année et s'ils ont des petits conseils à nous donner. Allez, c'est parti. What do you do for a living? I'm an airline personnel. I do passenger sales for an airline. I freelance here, yes. I'm an entrepreneur. Yes, I'm supplier on the Turkish TV. Do you know baklava? Baklava, yes. The dessert. Yes, the Turkish dessert. Yes, yes. Awesome. Same. I like this dessert. Yes. That's cool. This number one baklava in Dubai. I'm a lawyer. I have a salon here in Capital Club. For haircut? Yeah, for haircut. How much money do you make per year? I average around, I would say, $130,000. $20,000 plus commission. And how much money do you make per year? Actually, it's good money. I live here around 15 years. Uh-huh. It's not like less than $1,200,000. Can I ask you how much money did you make per year? Oh, just enough to be comfortably living in Dubai. That's cool. Okay. Yes. So you're French? Or I'm French. Tu parles français? Je parle français, ouais. Oh, ça tue, je suis français aussi. Et du coup, je fais des vidéos à Dubaï où je demande à des gens successful ce qu'ils font dans la vie. La deuxième question, c'est une fourchette à peu près du revenu que tu arrives à générer par an avec tes activités. Avec mes activités, bon, avec la fondation, rien, puisque je mets moi 400 000 dollars par année dedans. Tu investis 400 000 dollars par année pour la fondation. Pour la fondation. Ouais. Ça fait combien de temps? Ça fait 17 ans. Ça s'appelle Womanity. On travaille en Inde, en Afghanistan et au Moyen-Orient sur la condition de la femme, donc différents programmes. Ça va de l'éducation à la création de shows YouTube. Ouais. On a fait un show YouTube qui a fait 40 millions de vidéo views. This is the card. Womanity Foundation. If you have one advice to give to young people who want to have success in life? Well, one advice that I really like is idea without execution is hallucination. So have ideas, but always try to implement them in practical terms. So don't hallucinate. Need to first of all experiment. If you have like one advice in life for young people who want to be successful? Oh yeah, builds your self-confidence, especially in Dubai or in DFC. You want to make money, you want to really have a great life, and you want to feel good about yourself, mm-hmm. having, you know, not bad things, but really good things. You want to make it in life. Build your self-confidence and don't believe what the world tells you. Do your own thing, you know, and you will make it. When I came to Dubai, my salary was 2,000 dirhams. Crazy. You know, and okay. Here I am today because I believed that I can do it. And Dubai will give you the opportunity. You know the situation now in Europe. Here, example, it's amazing. Especially this area here in DIFC. In DIFC? In DIFC, the best. Even in Marina, in GPR, everywhere. Dubai, there is always something new. Always something true. New. It's never that's stopped. True. Yeah, that's they true. Do a lot, actually. Great opportunity to come in this city, for sure. You can have a very quick like development in your career. Even if you lived, you know, in other cities like London before and stuff like that, it's a good country where to go. Yeah, like here in Dubai, there are a lot of opportunities. Lots, yeah, absolutely, definitely. That's it. Appreciate it, man. Yeah. Thank you. Thanks. The last question is if you have one advice to give to young people who want to have success in life. You know, dream big. If your dreams don't scare you, you're not dreaming big enough. So just dream big and then follow your dream. And then just be hardworking. Thank you, brother. Thanks, man. Bye. T'as eu des business avant qui t'ont permis d'investir dans... Exactement. C'était quel type de business si c'est pas... Moi, j'ai fait une boîte dans le web qu'on avait vendue au début des années 2000. Dernière question, si t'as un conseil à donner à des jeunes entrepreneurs qui veulent devenir successful dans les prochaines années à venir, ça serait quoi? Qu'est-ce que tu leur dirais? Qu'il faut être persistant, il faut travailler, il n'y a pas de secret, hein, c'est des longues heures. Et puis que si on se plante une fois, de toute façon, il faut persévérer et ça marchera à un moment ou à un autre, mais ça ne marche pas tout de suite la première fois. Moi, je me suis planté plusieurs fois avant que ça marche. Excellent, très bon conseil. Merci beaucoup. Merci de rien. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, un petit pouce bleu, on s'abonne pour rater aucune des prochaines vidéos. N'hésitez pas à me faire savoir dans les commentaires si vous voulez du contenu du même genre ici à Dubaï. C'est quelque chose que je peux faire régulièrement. Et d'ici là, prenez soin de vous. C'était Bastien. Ciao.